Bien, alors ce soir nous allons aborder l'étude des béatitudes et la prochaine fois, donc c'est-à-dire en septembre, nous étudierons le sermon sur la montagne. Les béatitudes, donc on les trouve dans deux textes. On a une première version dans Matthieu et on a une version un petit peu différente en Luc. On aura l'occasion justement aussi d'en reparler. Donc Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, je crois qu'on en a déjà parlé, la montagne, une montagne qui n'est pas, identifiée géographiquement, mais qui est la montagne, semblable à la montagne sur laquelle Moïse a donné la Torah. Donc, et Jésus ici, nouveau Moïse, eh bien, donne sa Torah, selon ce qui est annoncé dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome, quand le roi s'assiera sur son trône royal, le roi c'est le Messie, il donnera une Mishneh Torah, c'est-à-dire une deuxième Torah. Et cette Torah, donc, il la répandra aux nations. Donc, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui, on verra tout à l'heure, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. En Israël, j'ai une amie qui est guide, c'est une juive non pratiquante au demeurant, qui a une certaine foi, mais disons, bon. Et cette personne me disait qu'il lui arrive de conduire sur cette montagne des béatitudes que l'on donne comme étant la montagne dont il est question ici, des groupes de juifs. Et elle me disait qu'elle a l'habitude, devant ces groupes de juifs, de lire les béatitudes. Et à la fin de cette lecture, elle demande à son groupe: de quel sage d'Israël pensez-vous que sont ces paroles? Alors, il y a toutes sortes de réponses qui viennent, de Rabbi Akiva, de Rambam, etc. Et quand elle dit que ça vient de Jésus de Nazareth, eh bien, ces gens-là sont très étonnés. Mais voyez-vous, on est tellement ici, dans un contexte juif, que finalement, d'autres sages d'Israël auraient pu aussi être dans cette perspective-là. Mais ici, on est ici exactement dans ce qui est la caractéristique de l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus est un enseignement paradoxal. Ça, c'est sa caractéristique essentielle. Cela, il ne le doit finalement ni à la tradition juive, ni encore moins, bien sûr, à la tradition chrétienne. Mais il la doit, justement, aux prophètes. Et les prophètes, quand ils parlent des choses dernières, eh bien, ont une perspective que les spécialistes appellent l'inversion prophétique. Cette inversion prophétique, on en trouve son expression dans une parole très connue de Jésus, qui est devenue proverbiale même en dehors du christianisme: les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça veut dire que quand viendra le royaume de Dieu au dernier jour, le sort de chacun sera bouleversé. Les grands seront abaissés et les petits seront élevés. Ça, c'est la caractéristique essentielle de la venue du royaume de Dieu au dernier jour. Et ce thème-là, tous les prophètes l'ont repris. Vous trouvez ça, évidemment, dans de très nombreux textes aussi du Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, avec la venue de Jésus, on est dans les choses dernières, on est dans les temps de la fin. Donc on est dans ce temps de l'inversion prophétique. Il y a aussi cette inversion prophétique, on la trouve dans la tradition juive aussi d'une certaine manière, dans le rituel de Pâques. La Pâque, donc juive, a obéi à un cérémonial très précis, notamment à l'époque de Jésus. Vous connaissez tous, j'en suis persuadé, le tableau de Léonard de Vinci sur la Seine, où on voit Jésus donc assis au milieu de ses disciples, vêtu d'ailleurs avec les vêtements de l'époque, ce qui est assez amusant, et puis donc ses disciples à sa droite et à sa gauche. On peut apprécier le tableau sur le plan artistique, mais sur le plan historique, il est complètement à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, on ne prenait pas la Pâque assis, mais on la prenait couchée, comme c'était la coutume parmi les Romains, parmi l'élite de la société romaine. Et dans la vie quotidienne, le sens de la hiérarchie était très important dans la tradition juive. Et en temps normal, on mangeait bien sûr assis cette fois-ci, le père de famille présidait le repas. À sa droite se trouvait l'aîné des enfants, à sa gauche la mère de famille et tous les autres enfants par rang d'âge jusqu'au dernier qui occupait la dernière place. Ça veut dire que le dernier en âge était le moins important. Et voilà que pour le repas de Pâques, toute cette tradition est bouleversée. Celui qui occupe la place d'honneur, à la droite du Père, ce que l'on appelle dans le sein du Père, pourquoi ? Parce qu'on était accoudé sur le coude gauche de cette manière allongée, et par conséquent, celui qui était à la place d'honneur tournait le dos à celui qui présidait, et quand il avait besoin de lui parler, il devait donc se baisser et rencontrer la poitrine de celui-là. Ce qui vous explique un certain nombre de détails de l'évangile qui nous parle notamment du fait que Jean, qui était le plus jeune des disciples, et par conséquent, qui nous allons voir dans un instant, occupait la place du dernier, eh bien, était couché sur le sein de Jésus, nous est-il dit, à cause justement de cette particularité. Autre expression aussi que surtout nos frères gitans me posent souvent, c'est le chapitre 17 de l'évangile de Luc, où il est question du sein d'Abraham. Vous vous souvenez de cette parabole du mauvais riche et de Lazare, donc le mauvais riche qui avait banqueté toute sa vie, qui avait eu ce que finalement le monde d'alors pouvait lui procurer de mieux, tandis que le pauvre Lazare, lui, se contenter des miettes qui tombaient de la table du riche. Et il nous a dit que donc il meurt l'un comme l'autre. Et le riche, qui se trouve dans un lieu de tourment, lève les yeux, voit Abraham, et il nous a-t-il dit Lazare dans son sein. Alors on me demande souvent c'est quoi le sein d'Abraham. Alors voilà la réponse, elle est très simple. Ça veut dire que là, déjà, se tient dans le ciel une anticipation du banquet eschatologique qui aura lieu au dernier jour. Et ici se répercute cette loi que nous avons évoquée tout à l'heure de l'inversion prophétique, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Le riche, qui a été le premier au banquet de ce monde, il se retrouve à la dernière place. Et Lazare, qui a été le dernier au banquet de ce monde, il occupe la place d'honneur, à la droite d'Abraham, qui préside le banquet eschatologique. Ça veut dire que, là aussi, le sort de chacun est complètement bouleversé. Et pour revenir justement à cette cérémonie de Pâques que j'évoquais tout à l'heure, celui qui se trouve à la droite du Père, dans le sein du Père, et par conséquent à la place d'honneur, c'est le plus petit des enfants, le plus jeune. Et là, l'ordre est inversé. Ensuite, ce sont les plus petits qui sont assis à aux places subalternes, et c'est le plus grand qui est à la dernière place. Et donc, le soir de Pâques, bien sûr, où Jésus a pris la dernière scène avec ses disciples, celui qui jouait le rôle de l'enfant, du plus jeune des enfants, c'était le plus jeune des disciples, et le plus jeune des disciples, c'était Jean. Quant à celui qui était à la dernière place, c'était qui? Pierre. Pourquoi? Comment le savons-nous? Parce que c'est le dernier auquel Jésus a lavé les pieds. Vous vous souvenez, dans l'histoire du lavement des pieds, il est le dernier auquel Jésus a lavé les pieds. Ça veut dire qu'il était à la dernière place. Et pourquoi justement ce principe le soir de Pâques? Parce que Pâques, dans la tradition juive, est par excellence la fête eschatologique messianique. Et il y a cette idée, jusqu'aujourd'hui dans le judaïsme, que le Messie sera révélé et manifesté à Pâques. Et c'est la raison pour laquelle on est censé ne pas dormir du tout pendant la nuit de Pâques, y compris les enfants d'ailleurs. Et la cérémonie terminée, très longue cérémonie qui dure 3 heures d'affilée avec le repas compris, on va faire des petits jeux pour les enfants. On va leur raconter des histoires dans le but de les empêcher de s'endormir au cas où cette nuit, ce serait la nuit de la venue du Messie. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. Et ce qui sera la marque, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de la venue du Messie, c'est justement ce bouleversement du sort de chacun. Et la cérémonie de Pâques, telle qu'elle existait à l'époque de Jésus, est telle qu'elle existe encore de nos jours, et justement l'anticipation de ce qui se passera dans ce dernier jour, où les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Bien, nous avons ça aussi dans le fameux cantique de Marie, ce qu'on appelle le Magnificat. C'est intéressant de ce cantique parce que Marie donc est saisie par l'esprit de prophétie et elle va parler comme les prophètes et elle va employer notamment un temps que l'on appelle le parfait prophétique, c'est-à-dire qu'elle parle au passé de choses qui sont encore à venir. Ça, c'est typique justement des prophètes. Pourquoi les prophètes parlent-ils ainsi au passé des choses à venir? Eh bien, parce que pour Dieu, les choses, le temps n'existe pas. Et les choses futures, les choses qu'il a annoncées, sont tellement certaines que finalement c'est comme si elles existaient déjà. Et vous avez cette parole de Paul qui correspond aussi à ça. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc Marie ici parle de choses futures qui vont être manifestées par son fils, mais elle en parle comme une réalité déjà présente. Il a dispersé ce qu'avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Et on verra que ça, c'est justement un des thèmes essentiels des béatitudes. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a renvoyé les riches à vide. Et il a élevé les humbles, et il s'est souvenu d'Israël, son serviteur. Voyez-vous, Marie prophétise ce que seront les temps messianiques, et elle évoque aussi cette fameuse inversion prophétique que l'on rencontre chez les prophètes déjà de l'Écriture. Comme je le disais tout à l'heure, il y a deux versions un peu différentes des béatitudes. Celle que nous avons lue dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu et une version un peu différente dans l'évangile de Luc au chapitre 6. Et là, Luc, aux béatitudes, qui diffèrent un peu, par exemple on verra tout à l'heure que Matthieu parle de pauvres en esprit et Luc parle de pauvres tout court. Bon, on verra tout à l'heure pourquoi. Luc ajoute aux béatitudes de Jésus, ce que l'on pourrait appeler des malédictions. C'est-à-dire, heureux, vous qui êtes pauvres, et là, Luc ajoute, maintenant. Ça veut dire dans ce qu'on appelle en hébreu, Aolamazé, ce monde-ci. Parce que quand le royaume de Dieu viendra, eh bien, vous serez enrichis. Mais malheur à vous, qui êtes riches maintenant, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, vous serez dépouillés de vos biens. Heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, vous serez consolés. Mais malheureux, vous qui riez maintenant, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, vous vous lamenterez. Et ça continue comme ça. Voyez-vous, Luc a gardé, plus que Matthieu, ce caractère paradoxal des béatitudes, entre le maintenant de ce royaume-ci, qui est le royaume de Satan, et puis le demain du royaume de Dieu, où tout sera changé et tout sera bouleversé. Et ça va être un des grands thèmes de la prédication de Jésus. Il faut choisir son camp. Ou bien alors, on veut être les premiers dans ce monde, et à ce moment-là, eh bien, on sera les derniers dans le royaume de Dieu. Ou on accepte d'être les derniers dans ce monde, et à ce moment-là, eh bien, on a une chance, une bonne chance d'être les premiers dans le royaume de Dieu. On ne peut pas avoir les deux pour Jésus. C'est un choix. On ne peut pas avoir le bonheur dans ce monde et le bonheur dans l'au-delà. Et il y a d'ailleurs une parole rabbinique qui correspond aussi à cela. On prête à Dieu cette parole. Mes enfants, non contents d'avoir la promesse du bonheur éternel, voudraient aussi être heureux dans ce monde. Et finalement, c'est impossible. Là, il y a un choix qui doit être fait. On trouve ça aussi dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, quand le soir de Pâques précisément, il éclate au sein des disciples une querelle pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. C'est pas la seule fois où il y a ce débat chez les disciples. Ils avaient encore vraiment besoin de se sanctifier. Hein. Et donc Jésus va leur dire ceci. Les grands les tyrannisent, les rois des nations les tyrannisent, et les grands se font appeler bienfaiteurs. Mais qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous. Que le premier soit comme le dernier, le grand soit comme le petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Et il dit, finalement, c'est ce que j'étais au milieu de vous. Moi, le Seigneur est le maître, vous m'appelez Seigneur et maître, et vous faites bien parce que je le suis. Mais en fait, c'est moi qui étais comme un serviteur au milieu de vous. Et vous, mes disciples, leur dit Jésus, vous êtes de ceux qui persévéreraient avec moi dans mes épreuves. Et si vous persévérez avec moi dans mes épreuves, au jour du renouvellement de toutes choses, ça se dit en hébreu tikkun olam, eh bien, vous serez assis sur 12 trônes pour juger, ça veut dire pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que là aussi, il y a cette inversion. Si les disciples acceptent le chemin de renoncement, le chemin d'humiliation, le chemin de rejet qui a été celui de Jésus, eh bien, quand le Seigneur sera revenu au dernier jour, ils occuperont la première place. Et c'est intéressant de remarquer que cette promesse que Jésus fait à ses 12, là, eh bien, dans le livre de l'Apocalypse, c'est étendu à ce que l'auteur appelle les vainqueurs. Et c'est le cas notamment dans l'avant-dernière lettre, la lettre à l'église de Philadelphie, où il dit « Parce que tu as peu de puissance, mais que tu n'as pas renié mon nom, donc j'ai placé devant toi une porte ouverte, et au vainqueur, celui qui vaincra, eh bien, s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec moi sur le trône. » vous serez assis sur 12 trônes de Jésus aux disciples, et il étend cette promesse à tous ceux qui auront accepté justement d'avoir peu de puissance humaine, comme l'église de Philadelphie, mais d'être restés fidèles dans les épreuves, persévérer dans les épreuves, pour avoir part justement à la gloire éternelle. C'est exactement le thème des béatitudes. Maintenant, les béatitudes, évidemment, elles ont ceci de très particulier, c'est qu'elles ne sont pas toujours très faciles à comprendre et pas toujours très faciles à traduire. On a déjà vu que l'original de Matthieu était un original hébreu, et que ces paroles ont été prononcées et ensuite recueillies en hébreu, et que ceux qui les ont traduites en grec les ont traduites littéralement pour ne pas trahir en quoi que ce soit les paroles de Jésus. Mais parfois, en grec, comme en français, ou en anglais, ou dans toutes nos langues, eh bien, c'est quelque chose qui peut être un peu obscur. Et notamment, justement, la première des béatitudes, dont on a déjà parlé, « Heureux les pauvres en esprit ». Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Luc aimait ce deuxième terme, il parle des pauvres, tout simplement, « Heureux les pauvres ». Mais Matthieu ajoute « pauvre en esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire? Des générations de commentateurs, de traducteurs se sont cassés les dents sur cette expression. Alors on a à peu près maintenant écarté l'idée que c'était des gens qui étaient un peu simplés. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire, bien sûr. Et les versions modernes traduiront tantôt de la manière suivante « ceux qui ont un esprit de pauvre ». Ceux qui se savent pauvres, finalement, on est en plein brouillard. Il a fallu attendre 1947, la découverte des manuscrits de la Mer Morte, des manuscrits de Qumran, pour que l'on puisse commencer à comprendre ce qu'était justement cette expression, ce que voulait dire cette expression « pauvres en esprit ». C'est une expression que l'on trouve dans ce qu'on appelle le rouleau des hymnes, et nous avons un texte qui commente cette idée et qui emploie l'expression « anié rouar », ce qui correspond exactement, si on le traduit mot à mot, avec « pauvre en esprit ». Donc on sait que cette expression « pauvre en esprit », elle venait de l'hébreu de l'époque de Jésus. Le texte, dans son contexte, nous dit ceci, « Je te rends grâce de ce qu'à moi, qui suis anié rouar, pauvre en esprit, tu m'as fait la grâce de me révéler les secrets de ton royaume. » Et le texte continue, et voici ce qu'il nous dit. « Le Saint béni soit-il, c'est-à-dire Dieu, n'a manifesté sa présence ni aux orgueilleux, ni aux riches, ni aux hautains, mais aux humbles et aux petits, car c'est aux humbles qu'il révèle ses secrets. » Et donc ici, l'expression « aliéroir » prend son sens. Ça veut dire des gens qui sont sans prétention, qui connaissent leurs limites, qui n'ont absolument pas l'intention de franchir ces limites, et qui, conscients de ces limites, s'en remettent entièrement à la grâce de Dieu. Maintenant, il y a un autre texte qui prolonge celui-là, et qui nous dit ceci. Il commente le texte du livre des Nombres, où il nous est dit que Moïse, quand Dieu s'est révélé sur la montagne du Sinaï, est monté, vous vous souvenez, avec 70 anciens. Mais quand il est arrivé dans cet endroit où la montagne était couverte par la nuée, il a été le seul autorisé à entrer dans la nuée. Les 70 anciens sont restés en dehors de la nuée. Et Moïse est le seul qui a pénétré, comme on dit, la nuée, c'est la Shina, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la gloire, c'est tout ça. C'est la manifestation de Dieu lui-même, une espèce de, oui, une théophanie, une sorte d'hypostase divine, si vous voulez, que la nuée. Et le texte de Qumran pose la question, pourquoi Moïse est-il le seul qui ait été autorisé à entrer dans la présence de Dieu. Et la réponse est la suivante. À cause de son humilité et de sa douceur, comme cela est écrit dans Nombre 12, verset 3, Moïse était le plus humble de tous les hommes. Parce qu'il n'y a pas eu un homme aussi humble que l'était Moïse, eh bien, il est le seul qui ait été autorisé à entrer dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et le texte continue et dit ceci. Les humbles font en sorte que la présence de Dieu habite au milieu des hommes. Ça veut dire que si, dans un monde qui est marqué justement par la soif de pouvoir, l'orgueil, être comme Dieu, et c'est plus vrai que ça ne l'a jamais été à aucune autre époque de l'histoire aujourd'hui, Dieu néanmoins est présent, il l'est justement à cause des humbles, parce que c'est avec les humbles que la présence de Dieu, le Saint-Esprit, habite. Encore une fois, ni avec les orgueilleux, ni avec les hautains. Et donc ici, on retrouve toujours à Qumran le même thème, ce même thème que celui des béatitudes, parce que nous sommes ici dans le même contexte culturel, et les gens de Qumran, les Esséniens vraisemblablement, avaient aussi renoncé à toutes les richesses humaines, à toute la gloire humaine. Ils avaient choisi un chemin de renoncement et d'humilité, précisément pour pouvoir posséder le royaume de Dieu, qui était considéré comme quelque chose d'imminent, qui allait être manifesté dans les temps qui venaient. Et donc, on trouve ici des échos dans les textes de Qumran de la première et de la troisième des béatitudes. La première béatitude, j'en ai parlé tout à l'heure, donc les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cette prétention, qui sont comme Moïse, des humbles, qui font habiter la présence de Dieu sur la terre. La troisième béatitude emploie un mot un peu différent, le mot anavim. Ça veut dire là véritablement les humbles, mais ça peut aussi vouloir dire les pauvres d'ailleurs, hein. Les pauvres et les humbles. Les pauvres ont tendance à être humbles, ils n'ont aucune raison de se glorifier de quoi que ce soit, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jésus prônait, je ne dis pas la mendicité, mais une forme de pauvreté, parce que finalement c'est lui qui est riche a tendance à s'enorgueillir et à mettre sa confiance dans les richesses. Jésus n'est pas contre la richesse en soi, mais il est contre le fait que la richesse risque de corrompre justement l'esprit de l'homme, et il emploiera cette fameuse parole que nous connaissons bien, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse, le mammon ». Donc il y a là aussi un choix qui doit être fait. Et donc ici, nous retrouvons à Qumran aussi cette même idée que les Aniérouars et les Anavim sont finalement des gens qui sont proches dans leur relation avec Dieu. Et il est question du messager de paix. Il en est question dans le chapitre 52 livre du prophète Ésaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de paix, de celui qui annonce la paix, qui annonce le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. Et nous avons vu que ça, c'est effectivement le texte fondamental de l'évangile. Une bonne nouvelle, ça se dit en grec « evangelion », donc le messager de bonne nouvelle, le messager de l'évangile, c'est donc Jésus, le Messie, et donc qui annonce, dit le texte de Qumran, le Messie quand il viendra, annoncera aux pauvres, aux anavim, des compassions. Donc il y a ici une relation entre les deux choses. Et une autre expression aussi, disons, interprète cette expression « aniérouar, pauvres en esprit », c'est quelque chose qu'on trouve dans le chapitre 64 du livre du prophète Ésaïe, qui nous dit ceci « Moi, l'Éternel, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec celui qui est Shafal Rouar ». Alors on traduit par « dont l'esprit est humilié » ou « affligé », etc. Bon, Chafalois, ça veut dire aussi humble dans son esprit. Donc on retrouve un petit peu l'idée de pauvres en esprit. C'est vraisemblablement aussi la même traduction que celle que nous avons rencontrée. Et par conséquent, le salut est annoncé aux affligés de l'esprit. C'est à eux, en priorité, que cette bonne nouvelle de la venue du royaume, cette bonne nouvelle, c'est que on dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours, et cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle de paix, et c'est une nouvelle de salut. Donc, et ton Dieu règne pour toujours, c'est la venue du royaume qui est annoncée en priorité à ces affligés de l'esprit. Et on retrouve ça aussi dans chapitre 66 d'Ésaïe, verset 2. Il est venu pour annoncer aux affligés une joie éternelle. Par conséquent, ceux qui sont ceux auxquels cette joie éternelle est promise, ce sont les humbles d'esprit et aussi ceux qui ont le cœur contrit. Et on touche aussi là avec l'idée de ceux qui pleurent. On en parlera tout à l'heure. Il y a un autre texte aussi intéressant que Jésus a prononcé quand il était dans la synagogue de Nazareth. Il a lu donc le chapitre 61 d'Ésaïe. C'était la lecture de la semaine, ce qu'on appelle en hébreu la Haftara. Et ce texte disait ceci, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux anavim, aux pauvres. » Aux pauvres ou encore aux humbles. Les deux traductions sont à ce moment-là possibles. Et on retrouvera ça aussi dans ce que l'on appelle l'hymne de jubilation, où il nous est dit que le Seigneur se réjouit quand les disciples reviennent de la mission dans laquelle ils ont été envoyés, en disant « les démons même nous sont soumis » et Jésus dit « je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits. » Donc ici, on est toujours dans cette perspective paradoxale de l'évangile que Jésus ici annonce. Et donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car littéralement, comme le traduit Chouraki, l'Éternel m'a messié, il m'a donné l'onction, justement pour annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Et il est donc, pour ces gens-là, l'instrument de la rédemption de Dieu. Maintenant, nous retrouvons aussi une expression un peu semblable chez Luc. Et ça, justement, en relation avec le Saint-Esprit. L'évangile de Luc est, de tous les évangiles, celui qui est le plus charismatique. Celui qui met le plus l'accent sur le Saint-Esprit. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion de dire ensemble qu'il y avait cette idée dans le judaïsme que lors du retour de l'exil, et disons le ministère du dernier des prophètes, Malachie, le Saint-Esprit avait été retiré d'Israël. Et ce faisant, le ciel était fermé. Il n'y avait plus de miracles, il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus de possibilité de connaître la volonté de Dieu, si ce n'est qu'en sondant la Torah, qui permettrait de trouver des solutions à tous les problèmes nouveaux qui surgiraient alors. D'où le sage qui succède au prophète. Mais il y avait l'idée que lorsque le temps viendrait de la venue du royaume de Dieu et de la venue du Messie, avant la venue du Messie, le Saint-Esprit serait à nouveau répandu sur la terre. Et on citait notamment le texte d'Isaïe, « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais !» Et c'est exactement ce qui se passe, bien sûr, avec le baptême de Jésus dans le Jourdain, par Jean-Baptiste. Il dit « Le ciel s'ouvre, et le Saint-Esprit descend sur lui », ça veut dire « c'est le retour de l'Esprit ». Mais ce retour de l'Esprit avait aussi été précédé par l'apparition du prophète eschatologique, la voix prophétique qui s'est étue surgit à nouveau en la personne de Jean-Baptiste. Et dès le début de l'évangile de Luc, nous trouvons justement cette présence du Saint-Esprit. D'abord en la personne de Gabriel, l'ange qui va annoncer à Zacharie qu'il va devenir père de ce prophète eschatologique qui va renouer avec la lignée des grands prophètes qui s'était interrompue avec Malachie. Or, Gabriel en hébreu, c'est un nom très intéressant. C'est la contraction de deux mots hébreux, Gevurat El. Gevurat El, ça signifie littéralement la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Vous vous souvenez que dans le chapitre 1 du livre des Actes, Jésus dit ceci à ses disciples, vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Ce qui veut dire que Gabriel, un des anges les plus élevés en gloire et en dignité, a une fonction particulière, il est associé au ministère du Saint-Esprit. Et par conséquent, que ce soit lui qui annonce à Jean-Baptiste, à Zacharie, la naissance du prophète eschatologique, étant, c'est une manière de nous dire, eh bien, c'est le temps où, à nouveau, le Saint-Esprit apparaît en Israël. Et tout l'évangile de l'enfance de Luc, les deux premiers chapitres, sont marqués justement par ces manifestations prophétiques. Bon, on retrouve ça aussi, bien sûr, avec l'annonciation faite à Marie. Donc, là aussi, en tant que prophète, on peut dire d'une certaine manière, Gabriel se comporte comme un prophète. Il annonce à Marie ce qui va se passer et que, finalement, cet enfant qui naîtra d'elle s'assiera sur le trône de David, son père, et régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. Donc là, déjà aussi, on a une autre manifestation charismatique. Et puis, bien sûr, au moment, quand Marie donc reçoit cette promesse, elle se rend chez Élisabeth, et les deux femmes, et l'enfant qui est dans le sein d'Élisabeth, laquelle est à son sixième mois, eh bien, sont remplies du Saint-Esprit. Et donc, le Magnificat que j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi le fait que rempli du Saint-Esprit, comme l'ange Gabriel l'avait annoncé à son père, l'enfant danse de joie dans le sein de sa mère. Entre parenthèses, c'est intéressant, parce que ça nous montre que l'existence d'un être humain commence avant sa naissance, et que tous ceux qui prônent l'avortement, etc., feraient bien de relire ce texte. Bon, on trouve ensuite la naissance de Jean-Baptiste, et là donc, Zacharie est rempli du Saint-Esprit, et va chanter ce que l'on appelle le Bénédictus. Quand Jésus est présenté au temple, des prophètes l'accueillent, le vieux Siméon et la vieille prophétesse Hanna, qui donc aussi manifeste le fait que le Saint-Esprit est véritablement revenu en Israël. Et le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit était en relation directe avec la venue du royaume. Et on trouve ça aussi, bien sûr, dans l'annonce qui est faite aux bergers dans l'évangile de Noël, où il y a une expression qui a longtemps été mal comprise. Donc les anges chantent, paix sur la terre, envers les hommes de bonne volonté. C'est ce qu'on a souvent longtemps traduit. Bon, les hommes ne sont pas de bonne volonté. Aucun d'entre nous n'est de bonne volonté. Nous sommes tous des pécheurs. Et cette traduction, elle d'ailleurs était à peu près abandonnée maintenant dans la plupart des versions modernes, notamment justement depuis que l'on a découvert les textes de Qumran que j'évoquais il y a un instant. Et là, il est question d'une expression hébraïque, Anshe Ratson. Ça veut dire littéralement les hommes de ta volonté. Et évidemment, c'est ce qui a donné à Luc l'idée d'interpréter comme ça en grec. On a exactement la même expression, qui n'est pas compréhensible parce que c'est un hébraïsme. Mais les hommes de ta volonté, ça veut dire tout simplement les hommes qui sont l'objet de la bonne volonté de Dieu. C'est pas les hommes qui ont de la bonne volonté vis-à-vis de Dieu comme on l'avait compris pendant des siècles, mais c'est l'inverse. C'est Dieu qui a de la bonne volonté vis-à-vis de certains hommes, pas de tous, mais de certains hommes. Desquels ? Eh bien, justement, ceux qui ont cet esprit de pauvre, ceux qui ont cet esprit d'humilité, et qui étaient en priorité les bergers. Bergers, disons, profession maudite, profession méprisée, donc qui étaient aussi les derniers, et ce sont les premiers auxquels la bonne nouvelle de la naissance du Messie va être révélée. Et le rouleau de la guerre appelle ces Anshe Ratzon, les hommes de la volonté de Dieu, littéralement, les pauvres de la rédemption. Ça veut dire la rédemption, elle est destinée essentiellement et premièrement à ces pauvres-là. Et notamment, sur un plan pratique, le rouleau de la guerre fait ordre aux responsables de la communauté de prendre soin particulièrement des petits et des faibles qui sont à l'intérieur de la communauté et qui sont considérés alors comme des chercheurs de Dieu. Et il ajoute ceci, ceux dont l'esprit est humble doivent répondre avec humilité à ceux dont le cœur est hautain. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est parfaitement dans la lignée de l'Évangile. Bon, voilà, si vous voulez, ici, la première des béatitudes. Deuxième béatitude, heureux ceux qui pleurent ou les affligés, car ils seront consolés. Alors ça aussi, c'est une notion qui est très importante dans le judaïsme. Nous avons évoqué tout à l'heure la personne de la vieille prophétesse Hanna, qui a, avec Siméon, accueilli Jésus au moment de sa présentation au temple. Et il nous est dit, aussi de Siméon ceci, c'est de Siméon, pardon, qu'il est dit ceci, il y avait donc à Jérusalem cet homme âgé, il nous est dit, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Consolation d'Israël, c'est une expression qui est tiré d'un texte d'Ésaïe, Ésaïe 40. Un texte qui va être repris d'ailleurs par les évangélistes, notamment les synoptiques, et par lesquels commence l'Évangile. Et notamment, c'est un texte que vous connaissez bien, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son iniquité est finie, que son péché est expié, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double de tous ses péchés. » Une voix crie, et préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et ce texte va être attribué par les évangélistes à Jean-Baptiste, qui crie dans le désert, effectivement, de préparer les sentiers du Seigneur. Et c'est en relation justement avec cette idée d'une consolation. Le livre d'Ésaïe a quelque chose de très particulier, c'est qu'il a deux parties vraiment très très très différentes. Les 39 premiers chapitres, qui sont, bon, il y a de tout. Mais à partir du chapitre 40, de cette fameuse expression « Consolez, consolez mon peuple », le ton change à 100%. Et il n'y aura plus de menaces, il n'y aura plus que des promesses de restauration, de rassemblement et par conséquent de consolation. Et c'est la raison pour laquelle dans la tradition juive, on a appelé cette deuxième partie du livre d'Ésaïe « Le livret des consolations d'Israël ». Et ce sont des textes qu'on lit particulièrement après, disons, l'anniversaire de la destruction du Temple. Tous les ans, disons, le 9e jour du mois d'Av, jour où le Temple a été détruit, donc on lit le premier chapitre d'Ésaïe, que l'on appelle justement Shabbat Shachor, ça veut dire le Shabbat noir. Parce qu'il commence de cette manière-là, donc le bœuf connaît la crèche de son maître et l'âne aussi, mais mon peuple ne connaît rien, et l'annonce des malédictions, des châtiments qui vont s'abattre sur Jérusalem, et notamment justement la destruction du temple. Et le Shabbat qui suit cet anniversaire de la destruction du temple, jusqu'à au Nouvel An, c'est-à-dire à peu près pendant 7 semaines, on va lire le livret des consolations d'Israël. Et ce livret des consolations d'Israël, il avait donné naissance à l'époque de Jésus à une catégorie très particulière de juifs que l'on appelait les endeuillés de Sion. Et là, ça on rejoint aussi le texte que Jésus a lu dans la synagogue de Nazareth au chapitre 4 de l'évangile de Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour donner aux endeuillés de Sion une huile de joie au lieu d'un vêtement abattu. Donc, ici, cette idée qu'il y avait à l'époque, donc, et vraisemblablement Siméon était un de ceux-là, il y avait des gens qu'on appelait les endeuillés de Sion, Siméon et Anne en étaient, qui passaient leur temps à se tenir devant Dieu pour demander au Seigneur que vienne la consolation d'Israël, que vienne ce temps qui avait été annoncé par les prophètes, et notamment par le prophète Ésaïe, qui se traduirait par le rétablissement de Jérusalem et la reconstruction du Temple, et bien sûr la venue du Messie. Et un des noms du Messie dans la tradition juive jusqu'à nos jours, c'est Menachem. Menachem qui signifie le consolateur. Jésus appliquera ce texte aussi au Saint-Esprit, donc le consolateur qui viendra au temps de la fin. Mais disons que c'est en relation justement avec cette idée d'une consolation. Et les endeuillés dont il est question ici, ceux qui pleurent, c'est pas... Bon, on peut l'étendre aussi, disons, tous ceux qui sont dans la tristesse, bien sûr. Mais disons, plus spécifiquement, c'est ceux qui se lamentent justement sur le sort de Sion. Et on trouve ça aussi dans ce qu'on appelle les lamentations de Jérémie, etc. Donc, toute une attitude, mais qui annonce que quand viendra le temps messianique, eh bien, ce deuil sera changé en allégresse. Et par conséquent, c'est aussi, ce sera le résultat d'une intervention du Saint-Esprit qui sera le consolateur. Troisième béatitude, les anavim, les humbles, posséderont la terre. Cette parole, c'est une citation exacte du psaume 37, où on trouve cette expression à trois reprises, verset 3, et dans d'autres textes aussi, mais les humbles posséderont la terre. Et un jour donc, il en sera ainsi, les humbles, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont méprisés, ceux qui en quelque sorte n'ont pas droit au chapitre, n'ont pas voix au chapitre, eh bien seront des gens qui entreront dans une autre dimension, une autre perspective. Et là, évidemment, dans cette troisième béatitude, les anavim sont à rapprocher des aniéroirs de la première béatitude dont nous avons parlé. Or, là aussi, nous avons à Qumran un pécheur, c'est-à-dire une explication, une interprétation du psaume 37. Et, bien sûr, ce texte, « Les humbles posséderont la terre », est mentionné. Et le pécheur nous dit ceci, « De quelle terre s'agit-il ? Quelle terre posséderont justement ces humbles ? La terre à venir, verset 11 du psaume 37, « Car il est écrit, leur paix sera grande. » Et nous retrouvons aussi ce verset cité dans un écrit judéo-chrétien du début du deuxième siècle qu'on appelle la Didache des douze apôtres, c'est-à-dire l'enseignement des douze apôtres aux nations, en latin cette fois-ci. Et donc il est question, les humbles posséderont terram sanctam, c'est-à-dire la terre sainte. Pas n'importe quelle terre, c'est pas la terre d'une manière générale, mais la terre sainte, c'est-à-dire effectivement le pays d'Israël. Ça veut dire que ceux-là domineront le pays d'Israël et notamment le temple. C'est intéressant de noter qu'on a une parabole aussi dans la fin de l'évangile de Matthieu qui correspond exactement à ça, c'est la fameuse parabole des vignerons, des mauvais vignerons. Vous la connaissez tous. Et il y a une interprétation traditionnelle qu'on trouve dans le monde chrétien, et qui n'est pas juste, qui nous dit ceci, les mauvais vignerons, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, on doit ça, cette interprétation à Eusèbe de Césarée, un des pères de l'Église du IVe siècle, donc le peuple d'Israël, a rejeté les prophètes, donc les premiers envoyés du maître de la vigne, et finalement il a tué le fils, le Fils, qui sera donc le Messie. Résultat, que se passera-t-il au temps de la fin? Le maître de la maison, le peintre de la vigne, pardon, fera périr misérablement ces misérables et il donnera la vigne à une nation qui en rapportera du fruit. Interprétation des pères de l'Église, la nation donc qui emportera du fruit, c'est l'Église des pagans, tandis que Israël sera rejeté, Israël sera mis à part, et cette, l'interprétation de cette parabole est une des bases de ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Ça veut dire l'Église remplace Israël, l'Église sous-entendu bien évidemment, l'Église des pagans. Or, cette interprétation, elle est intenable quand on replace la parabole dans son contexte. Pourquoi ? D'abord, l'interprétation classique ne se pose pas la question de savoir ce qu'est la vigne. Or, dans toute la littérature juive et dans toute la littérature prophétique, la vigne, c'est Israël. Et par conséquent, ici, je renvoie par exemple au chapitre 5 d'Ésaïe, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, et c'est dit expressément à la fin de la parabole que la vigne en question, c'est la vigne qu'il chérissait, c'est le peuple d'Israël. Donc ici, il est évident que pour Jésus, la vigne dont il est question n'est autre qu'Israël. Qui sont alors à ce moment-là les mauvais vignerons? Eh bien, ceux qui sont les leaders spirituels du peuple, essentiellement les grands prêtres, qui se sont toujours heurtés aux prophètes. Dans la littérature prophétique, vous voyez qu'il y a toujours un conflit entre les prêtres et les prophètes. Les prêtres sont les garants de l'institution, de la tradition, les prophètes sont les garants de l'événement. Et par conséquent, il y a toujours conflit entre ces deux catégories. Et on retrouve ça, bien sûr, aussi dans le Nouveau Testament. Jésus, en tant que prophète, va se heurter aussi aux grands prêtres. Et finalement, les grands prêtres, bon, ça, il y a toute une littérature là-dessus qui montre à quel point, à l'époque, les grands prêtres d'Israël étaient totalement corrompus. Donc ça correspond exactement à ce que l'on sait. Et finalement Jésus dit, eh bien voilà, il annonce aussi que c'est eux qui vont le tuer, c'est eux qui vont donc tuer le Fils, et c'est ce qui va se passer. C'est pas le peuple d'Israël dans son ensemble qui a rejeté Jésus et qui a crucifié Jésus, c'est bel et bien une petite coterie, une petite clique qui était celle justement des grands prêtres proches des Romains. Et donc Jésus dit ceci. Le royaume, c'est-à-dire la domination, vous sera enlevé, cette domination que vous aviez sur le peuple vous sera enlevée, et donnée à une ethnée, alors c'est pas forcément une nation en grec, ethnée, ça veut dire une communauté qui en rendra du fruit. Et ensuite il cite le psaume 118, la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. En général, Jésus cite, ou les évangélistes citent cette parole en relation avec Jésus lui-même, Jésus est la pierre rejetée, mais dans le contexte là, ce n'est pas ça. Ça veut dire, la pierre rejetée, ça va être justement cette ethnée qui va remplacer les grands prêtres et qui vont devenir les leaders spirituels du peuple d'Israël à la place des grands prêtres quand le royaume de Dieu sera venu. Et quelles sont cette ethnie? Nous l'avons vu tout à l'heure. Nous avons parlé dans Luc 22 de la parole de Jésus aux 12. Au renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et finalement, l'ethnie dont il est question ici, ce sont ceux auxquels sont adressées les béatitudes. Les humbles, les derniers, qui, au temps de la fin, eh bien, posséderont le pouvoir qui était celui des grands prêtres, non seulement sur la terre d'Israël, mais également sur le temple. Sur le temple qui sera rétabli à cette période-là. On a un midrash rabbinique aussi du psaume 37, verset 8. Tout ton peuple sera composé de justes, ils posséderont la terre à jamais. Et quand on dit la terre à jamais, ça se dit les olam. Et olam, ça peut aussi signifier la vie éternelle. Ils posséderont la terre pour la vie éternelle. Et c'est la première fois dans la littérature juive qu'on trouve cette expression qui va revenir très souvent dans les évangiles, la vie éternelle. Psaume, Proverbe 8, verset 1, commentaire, les sages d'Israël auront la gloire, leur nom sera scellé pour la vie éternelle. Et en même temps, vie éternelle, c'est en relation avec cette expression qu'on trouve encore aujourd'hui dans le judaïsme, Aolam Azé, ce monde-ci, et Aolam Abba, le monde qui vient. Et le monde qui vient, donc, est associé à la vie éternelle et au royaume de Dieu. Ce sont des mots qui sont pratiquement synonymes. Et il est intéressant de noter que l'expression « le royaume » ne revient pas souvent dans les épîtres de Paul, parce que justement, cette notion du royaume, c'est une notion qui est essentiellement une notion juive. Or, Paul écrivait essentiellement pour des non-juifs. Parler de royaume à des non-juifs, ça aurait peut-être été difficilement compréhensible. Et donc, à la place, Paul emploie un synonyme, la vie éternelle. La vie éternelle, on trouve ça aussi chez Jean, donc, qui est aussi écrit pour des païens. Et donc ici, on a cette promesse de cette félicité éternelle qui a été promise aux élus. On trouve ça aussi dans un autre texte, les élus posséderont la terre, mais les méchants seront retranchés. Et par conséquent, l'esprit d'humilité est l'esprit qui doit animer tous ceux qui sont justement désireux de posséder justement cette terre à venir et qui, à ce moment-là, hériteront des promesses de Dieu et connaîtront un bonheur éternel. Voilà. Quatrième béatitude. Ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il a été très difficile au professeur Flusser, qui m'a appris toutes ces choses, de trouver des équivalents de ce texte dans la littérature juive. Il a cherché partout et finalement il n'a pas trouvé. De sorte qu'il était arrivé à la conclusion que ça venait d'une source extérieure, éventuellement d'une main extérieure. Jusqu'au jour où il s'est trouvé un jour de Kippour à la synagogue, parce que c'était un homme qui était un juif orthodoxe. Et le jour du Kippour, vous savez, c'est le jour d'humiliation, de repentance, etc. Et donc là, il me disait, moi j'étais à 100 lieues de penser aux béatitudes. Et machinalement, il y a un moment, j'ai pris sur une étagère dans la synagogue un vieux livre que j'ai ouvert un peu au hasard. Et là, je suis tombé sur un texte qui dit ceci. « Aie pitié de Amcha ou Nachalatecha, Reve Tzidkecha ou Tseme Tuvcha. Aie pitié de ton peuple, ton héritage, qui ont faim de ta justice et qui ont soif de ta bonté. » Et il a dit, ben voilà, ça, j'ai ici mon origine de cette parole des béatitudes, qui ont faim de ta bonté. Et il y a un texte semblable qu'on trouve aussi à Qumran. Ce sont des gens qui savent. Alors, bonté et justice, ça a aussi différents sens. La justice, dans la conception juive et hébraïque, c'est aussi la miséricorde. Justice et miséricorde ne sont pas opposées du tout, mais se complètent. Quand Dieu fait grâce, quand Dieu fait miséricorde, quand Dieu pardonne, il est juste. Ce n'est pas un viol de la justice, mais c'est au contraire l'accomplissement de cette justice. C'est ce que le Seigneur attend. Et le texte auquel je fais allusion, qu'on appelle le testament de Nephtali, nous dit quelque chose qui ressemble énormément, vous allez le voir, à nos béatitudes ici. Je vous le lis. Vous serez à Dieu dans ce jour-là. Il n'y aura plus qu'une seule langue. Il n'y aura plus d'esprit impur. Béliar, c'est-à-dire le diable, sera détruit par le feu. Les morts ressusciteront dans la joie. Les pauvres seront enrichis, les affamés seront rassasiés, les malades seront guéris, les aigles de Jacob courront dans la joie. Les aigles d'Israël seront dans l'allégresse, mais les pécheurs seront dans le deuil. C'est l'esprit des béatitudes, exactement. Et nous retrouvons les mêmes thèmes que ceux que nous rencontrons justement dans ces paroles de Jésus. Et c'est pourquoi mon ami, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, la guide, lit ces béatitudes parce qu'effectivement elles sont véritablement ancrées dans le terreau juif lui-même. Et finalement, il y a cette idée que le Saint-Esprit est celui qui redonne des forces nouvelles. Vous trouvez ça dans Ésaïe 40, verset 27, où il nous dit les adolescents et les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ou ceux qui espèrent en l'Éternel, ou ceux qui s'attendent à l'Éternel, c'est des traductions possibles, renouvellent leurs forces, ils prennent leur envol comme des aigles, ils marchent et ne se fatiguent pas, ils courent et ils ne se lassent pas. Donc, le Saint-Esprit est véritablement cette force de Dieu, cette puissance de Dieu, Gvurat El, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est un des signes de la fin, un des signes eschatologiques qui nous montre que le royaume de Dieu est proche. Et voyez-vous, là, ce qui est intéressant, c'est que la terre, ils posséderont la terre, devient le royaume de Dieu, dans à la fois un sens disons temporel et un sens spirituel, c'est le monde eschatologique, la terre eschatologique, le monde qui vient. Et on a un autre texte qui nous dit ceci, ils posséderont Merom Israël, c'est-à-dire la haute montagne d'Israël, c'est-à-dire cette montagne sur laquelle au temps de la fin, selon Ésaïe 2, sera reconstruit le temple, quand il nous est dit qu'au temps de la fin, la montagne du temple de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes et toutes les nations y afflueront. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est ce messager de bonne nouvelle qui est envoyé par le Saint-Esprit pour proclamer cette bonne nouvelle aux humbles, aux pauvres, aux affligés, etc., à ceux auxquels est destiné cet héritage de la haute montagne d'Israël, et qui seront les premiers au temps de la venue du royaume, ceux auxquels le royaume, le pouvoir sera donné, qui n'auront eu aucun pouvoir dans ce monde, mais dans le monde qui vient, ils auront tous les pouvoirs. Autre béatitude, donc, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça, c'est un texte qu'on trouve dans le chapitre 24 au livre des psaumes, verset 4, et dans le psaume 73, verset 1. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et l'idée d'une pureté du cœur est quelque chose d'essentiel, en particulier en relation avec les pèlerinages qui étaient prescrits en ce qui concernait le peuple d'Israël. Et finalement, quand on montait à Jérusalem, pour les pèlerinages, les trois pèlerinages de Pâques, Pentecôte et Soukhot, on montait pour voir Dieu, pour voir la face de Dieu. Alors c'est paradoxal, parce que logiquement personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Et pourtant, vous avez ça notamment dans la fameuse bénédiction des prêtres, au chapitre 6 du livre des Nombres, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur tourne sa face vers toi, qui te soit favorable, que le Seigneur fasse briller sur toi la lumière de sa face et qu'il te donne sa paix. Donc, tourner, on vient devant la face de Dieu. Et comme cela est dit aussi au psaume 37, que nous évoquions tout à l'heure, verset 19, dans cette dimension, dans cette perspective-là, tous les besoins de l'homme sont comblés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que on vient à Jérusalem, on monte à la montagne de Dieu, comme le dit le psaume 24, qui montera à la montagne de Dieu, qui séjournera dans son saint temple, celui qui a des mains innocentes et celui qui a le cœur pur. Le cœur purifié de toute mauvaise pensée, le cœur purifié de tout mauvais sentiment, et on aura l'occasion de revoir ça quand nous étudierons le sermon sur la montagne, à abandonner la colère, abandonner la rancœur, la jalousie, pardonner, ne pas avoir de mauvais sentiments, être généreux, etc. Tout ça, c'est ce qui implique justement la pureté du cœur, telle que Jésus va le développer aussi dans la suite, dans le sermon sur la montagne. Et ce qui est aussi remarquable ici, c'est qu'il y a deux mots dans le psaume 24. Mi yagur be'ar kodesh. L'agour, c'est un verbe en hébreu qui signifie littéralement, qui vient de la racine guerre, qui signifie un étranger. L'agour, c'est habiter comme un étranger. Alors, on peut venir à la montagne de Dieu et habiter dans la présence de Dieu, mais comme un étranger. On n'est pas chez soi et on est là pour un temps seulement. Et ensuite, Mijishkon Be'ar Kodeshecha. Qui Ishkon, Lishkon, c'est au contraire demeurer, être chez soi. Il y a des gens qui sont des étrangers qui viennent temporairement, ponctuellement dans la présence de Dieu, et puis il y a ceux qui habitent continuellement dans la présence de Dieu, et qui évidemment sont ceux auxquels le Seigneur promet justement toutes les promesses que nous avons évoquées ici. Deux autres béatitudes. Alors, on traduit « heureux les artisans de paix ». Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Les artisans de paix, ceux qui procurent la paix, etc. En fait, c'est un texte qui est tiré du psaume 34, verset 15, oui, je dis bien. Quel est l'homme qui Hafetz Chaim, qui aime la vie, qui aime la prolonger et pour voir le bonheur, pour avoir de longs jours? Chodev Shalom ve Chodfea. Poursuit la paix et atteint-la, littéralement. Donc, poursuivre la paix. Ce n'est pas des gens qui procurent la paix, qui sont des artisans de paix, mais qui ont soif de la paix, qui recherchent la paix et qui se tournent vers cette paix. Alors maintenant, shalom, on traduit par paix, mais c'est beaucoup plus riche que ça. C'est beaucoup plus que la paix. C'est tous les bienfaits de Dieu. Ça vient de la racine shalem, qui signifie la perfection. Donc la perfection de Dieu, la plénitude de la joie, du bonheur, bref, c'est aussi pratiquement un synonyme du royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu viendra, eh bien, la paix universelle, le shalom universel régnera. Et cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus, ça correspond aussi justement à cette béatitude. Cherchez le royaume de Dieu, et donc rechercher cette paix avant toute chose, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans le judaïsme. Et il y a une parole rabbinique qui nous dit ceci, lorsqu'un homme meurt et qu'il se présente devant Dieu, la première chose qu'il lui est demandée est celle-ci: est-ce que tu as recherché la venue du Messie, le royaume de Dieu? Et ça correspond exactement à ce texte du psaume 34, verset 15, donc « Rodef Shalom, poursuit la paix et atteint-la ». Et là, il y a un jeu de mots ensuite dans l'autre béatitude. Heureux ceux qui sont alors persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors, si vous retraduisez en hébreu, donc, Rodfei Shalom, ceux qui recherchent la paix. Et ensuite, Nirdefei Tzedek, c'est le même verbe, mais au passif. Donc, ceux qui recherchent la paix doivent s'attendre à être persécutés, à être poursuivis. Poursuis la paix, Rodef Shalom, poursuis la paix. Mais si tu poursuis la paix, sache bien que tu seras toi-même poursuivi par des méchants qui chercheront à te persécuter. Donc, un genou qui est intraduisible en français et même en grec, mais que vous retrouvez justement quand vous retraduisez ce texte en hébreu. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont angoissés, persécutés de la justice, et non pas pour la justice, mais persécutés de la justice. Ça veut dire angoissés, qui sont exposés au mépris, à la pauvreté, mais un jour tout sera renversé, comme indique effectivement le temps du verbe hébreu. Donc voyez-vous, finalement, c'est un peu les mêmes pensées que celles que nous avons évoquées. Rodfei Shalom, ceux qui recherchent la paix, ceux qui recherchent le royaume de Dieu, et qui, parce qu'ils recherchent le royaume de Dieu, sont prêts à renoncer à tout le reste. Parce que pour eux, c'est le trésor le plus inestimable qui soit. Et ça vous renvoie à deux paraboles de Jésus, la parabole du trésor et la parabole de la perle. Donc dans la joie qui est la sienne, celui qui a trouvé le trésor, il vend tout ce qu'il a et il achète le champ. Donc c'est insensé sur un plan humain, mais lui il sait ce que les autres ne savent pas, à savoir qu'il y a un trésor caché dans le champ. Et finalement cette dernière béatitude, elle est une promesse. Faite par Jésus aux persécutés un jour. La justice de Dieu triomphera. Même si pour le moment il faut l'attendre, un jour Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et par conséquent, ceux qui recherchent cette justice dans la vie quotidienne finiront par l'atteindre. Alors là nous trouvons devant tout un vaste ensemble, voyez-vous, très riche, qui résume en quelque sorte tout l'évangile de Jésus et tout l'évangile de Matthieu tel que nous le retrouvons par la suite, tout l'enseignement de Jésus est déjà potentiellement contenu dans justement les béatitudes que nous avons lues. Et encore une fois, tourne autour de cette notion paradoxale, le royaume de Dieu, eh bien, il est réservé aux humbles, aux petits, aux derniers, parce que c'est ce que le Seigneur a voulu. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les révèles aux humbles, tu les révèles aux petits, tu les révèles aux enfants. Alors, finalement, le message de Jésus est simple. Là, encore une fois, il faut choisir son camp. Ou bien alors, on appartient à ce monde avec ce qu'il offre. Et on essaye de profiter au maximum de ce qu'il offre. Ou bien on accepte de renoncer à toutes ces choses à cause du royaume de Dieu. Et par conséquent, de devenir les derniers dans ce monde pour devenir les premiers dans le royaume de Dieu. Et donc ici avoir ce sentiment d'humilité, de douceur, de petitesse. Et en même temps, la présence, nous l'avons vu, de ces gens-là est importante. Parce que c'est eux qui, justement, font régner la présence de Dieu au milieu des hommes. Et je termine par une autre notion qu'on a dans le judaïsme, qu'on appelle l'amed-vav. C'est l'idée que Dieu conserve le monde malgré ses excès, malgré ses horreurs, malgré tout ce qui s'y passe, à cause de 36 justes. Et il y a à chaque génération 36 justes. Et il suffit d'un nombre de 36 justes pour que la présence de Dieu habite au milieu des hommes. Et ces 36 justes, qui finalement sont l'incarnation de tous ces humbles, ces pauvres en esprit que nous avons évoqués, font en sorte que, à cause d'eux, Dieu continue à conserver le monde, et à se manifester, à se révéler. Alors, 36, c'est un nombre évidemment arbitraire, vous comprenez bien, c'est pas à prendre au sens propre du terme. Mais ça veut dire que, quoi qu'il en soit, un petit nombre de gens, à partir du moment où ils vivent véritablement les béatitudes, eh bien, sont les garants de la bénédiction de Dieu pour ce monde. Et font en sorte que cette bénédiction de Dieu n'est pas simplement quelque chose qui repose sur eux-mêmes, mais qui est aussi répandue sur ceux qui les entourent, et même au-delà de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils imaginent, sur le monde entier. Voilà en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire des béatitudes ce soir. On va avoir un petit temps de questions, si vous voulez bien. Bonsoir, j'ai deux petites questions, une question un peu plus importante. La première, vous avez cité un texte, vous avez référencé au testament de Néatiti. Il me semblait que c'était plutôt cet écrit Semier Seigneur qui est le testament des 12 patriarches et le testament des 12 en particulier. Est-ce que c'est le même? Alors, effectivement, ce qu'on appelle les testaments des 12 patriarches ne sont pas une littérature spécifiquement qumranienne, mais on le trouve aussi à Qumran. Ça avait été écrit dans d'autres cercles, mais on le retrouve à Qumran. Deuxième petite question, est-ce qu'on peut oser le rapprochement entre ceux à qui il est promis cette joie dans le monde qui vient, précisément parce qu'il ne se contente pas de ce que ce monde-ci a à offrir, avec la figure d'Isaac qui rira au futur, parce qu'il sait pertinemment qu'il est dans cet état d'esprit? Finalement, on peut prendre l'image de beaucoup de justes dans la Bible qui ont eu cet esprit-là, l'esprit des béatitudes. Ouais. Et voyez-vous, l'esprit des béatitudes, finalement, il est en tête de l'évangile de Matthieu. Ça veut dire que Matthieu souligne l'importance de ce texte-là. Pour être un véritable disciple de Jésus, il faut avoir l'esprit des béatitudes. Et ma dernière question, ce que vous avez exposé, c'était très édifiant, les origines juives de ces différents personnages qui interviennent dans les béatitudes. Maintenant, d'où origine, où est-ce que l'on peut penser la notion même d'inversion prophétique, de transvaluation des valeurs? À partir de quand est-ce que ça émerge? Chez les prophètes, de manière générale, quand les prophètes parlent du jour de l'Éternel. Et est-ce cela qui permet de penser que finalement le juste périt pour les pécheurs? Ah non, ça je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Non, le juste, une des caractéristiques du juste dans ce monde-ci, c'est justement qu'il est finalement, il est persécuté, il est malheureux, parce qu'il s'oppose au train de ce monde, il s'oppose à Satan, il s'oppose à Béliar. Et c'est une des choses les plus difficiles que le juste a à supporter, justement, ce rejet, ce mépris dont il est l'objet, alors que précisément il cherche non seulement à plaire à Dieu, mais aussi à aider ceux qui l'entourent. Et il est incompris, il est rejeté, etc. C'est quelque chose de difficile. Et les prophètes, justement, les psaumes aussi, on trouve ce thème dans les psaumes, on trouve ça chez Job, c'est de dire, attendez, il faut attendre le temps où le royaume de Dieu sera manifesté. Exemple, psaume 73, Dieu est bon pour Israël, je citais tout à l'heure, mais mes pieds allaient glisser parce que je portais envie au bonheur des méchants. Rien ne les tourmente devant leur vie, pendant leur vie, tandis que moi, qui ai lavé mes mains dans l'innocence, tous les jours je suis frappé, chaque matin mon châtiment est là, alors je dis, je vais faire comme les méchants. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, etc., et que j'ai pris garde à la fin des méchants. Vous trouvez ça chez Isaïe, la chute des tours au dernier jour, contre tout ce qui est élevé, tout ce qui est grand sera abaissé, etc. C'est un thème qu'on trouve très dans tous les, chez tous les prophètes. Serge. Oui, tu as parlé de quelqu'un tout à l'heure. Et moi, j'ai déjà lu pour les béatitudes dans Matthieu 5, Chouraki, c'est carrément un autre sens. Hein. Dans quoi? Chouraki. Sur quoi? Sur les béatitudes. Non, je. On dirait que c'est un autre sens. Non, il traduit heureux par en marche, acheré. Bon, c'est sa manière de faire à lui. Ça peut vouloir dire ça. Mais bon, moi je préfère garder quand même heureux. Parce qu'en marche, ça fait un peu Macron. Bonsoir. Bonsoir, oui. J'ai une question par rapport à Siméon. Oui. J'ai une question, c'est une question de deux. La première des questions, c'est que si on prend le texte. C'est un court texte hein, qui parle de Siméon, oui. Mais il y a beaucoup en tiré devant à un autre sens. On nous dit qu'il a fondé la consolation d'Israël et l'Esprit du Seigneur était sur lui. Oui. Est-ce que, premièrement, on peut dire que la condition pour avoir l'Esprit du Seigneur, soit c'est d'attendre la consolation, d'être dans cette attitude d'attente? Bien sûr. Okay. Et deuxième question, en quoi ça consiste concrètement d'attendre la consolation d'Israël? Est-ce qu'on a des témoignages justement de cette époque où il y avait des gens qui vivaient dans cette attente? Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'était des gens qui passaient l'essentiel de leur vie et de leur temps à prier pour, comme le disait Hannah, la rédemption de Jérusalem. On trouve ça, par exemple, aussi sur des pièces de monnaie de l'époque de Bar Corba, donc deuxième siècle, en 1, 2, 3, puisque ça n'a pas été au-delà, de la rédemption de Sion, Geulat Sion, on dit en hébreu. Et donc, c'est des gens qui priaient, qui intercédaient, je dirais presque jour et nuit, pour que Dieu rétablisse Jérusalem et lui rende sa grandeur, et en même temps, donc, accomplisse les prophéties à son égard, de faire en sorte qu'elle soit la lumière de toute la terre. On peut dire qu'aujourd'hui, ça s'en est. Ah ben aujourd'hui, cette prière est en tout accomplissement, c'est sûr. C'est ce que me disait d'ailleurs un rabbin, et il me dit, vous voyez, on a prié des siècles et des siècles pour que cette promesse se réalise, et c'est seulement maintenant, il a fallu prier autant de temps pour que maintenant Dieu réalise cette promesse. Je voudrais savoir, quand on voit tous les événements qui se passent actuellement dans le monde entier, quand on voit qu'Israël est revenu dans son pays en 1947-48, et quand on voit que maintenant les Américains, le responsable des Américains veut ramener l'ambassade à Jérusalem. À Jérusalem. Mm-hmm. J'ai un peu. Pour moi, et je voudrais savoir si vous partagez ça. J'ai l'impression que le retour de Christ est vraiment. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est le grand signe, il n'y a pas de doute. Ah oui. Et est-ce qu'on peut avoir une évaluation du temps? Ah non. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça ne durera plus des siècles. Ça, c'est sûr. Maintenant, ça c'est toujours la curiosité humaine. Jésus a toujours refusé de répondre à ce type de questions et il a ramené ce qui était pour lui l'essentiel. Soyez prêts en tout temps puisque vous ne connaissez du jour ni l'heure. Du coup, j'ai une question qui va dans ce sens-là. Quand on prend la prophétie de Gog et Magog, on voit que Gog attaque un peuple qui est en sécurité. Oui. Est-ce que tout ce qui se passe actuellement où Israël acquiert une certaine. Je dirais pas sécurité, mais une certaine puissance. Bon, la puissance, je pense qu'ils l'ont quand même depuis un moment, mais ils sont un peu plus à l'aise, on va dire, depuis que ces événements se passent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un prélude avant l'attaque de Gog? Ça, c'est vrai, c'est une parole un peu étonnante que celle qu'on trouve dans cette prophétie. Et de fait, on peut quand même dire que non, on n'est pas dans ce contexte-là pour l'heure. Alors, est-ce qu'il doit encore y avoir des événements qui tout à l'heure, on me posait la question, justement, c'est pas ici, mais est-ce que finalement, quelqu'un me disait, ben c'était Jean-Claude, dans la voiture, il me disait, est-ce que Trump n'est pas en train de retarder la venue du Messie, puisque toutes les nations doivent au temps de la fin se liguer contre Jérusalem? Mais je lui ai répondu, vous savez, il y a des choses des impondérables qu'on ne mesure pas sur le moment. Mais est-ce que justement, pour qu'on se trouve dans cette situation que tu évoques, il ne faut pas que l'Iran soit neutralisé justement. Parce que le danger existentiel, il n'y a plus de danger existentiel pour Israël aujourd'hui, si ce n'est de la part de l'Iran. Et donc, si effectivement l'Iran a été éliminé en tant que facteur, disons, de destruction possible d'Israël, alors effectivement, ça changerait la donne, certainement. Surtout si maintenant il y a l'appui des États-Unis, etc. Israël pourrait effectivement à ce moment-là se sentir à l'aise. Alors il y a des choses qui doivent encore arriver, on ne peut pas savoir. Et c'est pour ça que finalement, il est extrêmement hasardeux à mon sens d'essayer de faire des pronostics, même en se basant sur des prophéties. Parce que les prophéties qui touchent aux choses dernières, elles sont toujours obscures. Et c'est voulu de Dieu. Justement parce que notre tentation, qui est justement de faire des chartes, des calendriers eschatologiques, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Dieu ne veut pas ça. Encore une fois, Dieu veut que nous soyons prêts en tout temps, parce que finalement, les événements viendront d'une manière qui nous dérouteront toujours, qui seront une surprise, comme ça a été le cas pour les dix vierges, aussi bien les sages que les folles. Elles ont toutes été surprises, même les sages. La différence, c'est que les unes étaient prêtes, les autres ne l'étaient pas, c'est tout. Et quand on lit, par exemple, des épîtres comme les épîtres aux Thessaloniciens, les deux épîtres aux Thessaloniciens, elles semblent contradictoires. Dans la première, il est écrit « Quand les hommes diront paix sur terre, une ruine soudaine fondra sur eux ». Donc là aussi, on retrouve un petit peu le contexte de la guerre de Gog, la paix, etc. Et la deuxième nous dit l'inverse. Il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie avec l'impie, avec des troubles, etc., des miracles mensongers. C'est contradictoire, mais c'est voulu. Parce que justement, nous n'avons pas à sonder ces choses-là. Le Seigneur les laisse dans l'ombre. C'est quand elles s'accomplissent qu'on peut dire « Ah, c'était écrit, donc c'était comme ça ». Mais ça ne s'accomplit pas forcément de la manière que l'on imagine. Regardez par exemple les prophéties sur la venue de Jésus, la première venue de Jésus. Comme l'avait dit le prophète, qui a reconnu le bras de l'Éternel dans ces choses-là? Or, Jésus n'est pas venu comme le peuple juif l'attendait, donc automatiquement jusqu'à aujourd'hui, il est passé à côté de la chose. Bon, aujourd'hui, c'est la même chose pour le monde chrétien cette fois-ci. La résurrection d'Israël ne s'accomplit pas comme on l'avait pensé, parce qu'on pensait qu'il fallait d'abord que, avant qu'Israël soit rassemblé dans son pays, il se tourne vers Jésus, et ce n'est pas le cas. Alors on dit l'État d'Israël n'est pas l'accomplissement des prophéties, parce qu'on a nos schémas. Parce qu'on a nos clichés, et il faut que ça s'accomplisse comme nous l'avons pensé. Et finalement, ce qui a été l'erreur du peuple d'Israël il y a 2000 ans, donc qui a reconnu le bras de l'Éternel dans ce qui s'est produit, nous sommes en train de le reproduire aujourd'hui dans le christianisme moderne, vis-à-vis de l'État d'Israël. On ne reconnaît pas le bras de l'Éternel dans ce qui se passe, parce que on a nos clichés, on a nos visions, etc. Ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, Israël ne devrait pas persécuter les Palestiniens, et ci et ça, etc. Donc on a toutes sortes d'objections qui font que l'on passe à côté. Et finalement, ce sera exactement l'histoire des vierges folles qui se réveilleront, puis ce sera trop tard, ils sont complètement pris par surprise. Aux questions qui viennent d'être posées, je vous invite au Centre chrétien de Canières, lundi 20 août, au dimanche 26 août, avec Jean-Marc Taubois. Sommes-nous à la veille de l'apparition de l'Antichrist? Ah oui. Merci. Oui, pour en revenir aux béatitudes, tu as dit qu'il y avait un petit groupe de justes, donc en 36, quoi. Ouais. Est-ce que ces justes sont dans le peuple élu, ou est-ce que c'est dans en principe, oui, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des juifs. Ben oui, parce que les juifs ne reconnaissent pas les chrétiens comme des élus de Dieu, quoi. Et les chrétiens sont justifiés par le sang de Jésus. Ben oui, oui, oui, oui, oui. Oui. Et donc ça correspond au petit reste du peuple. Oui, mais c'est pas, disons, juste dans le sens de justification. Encore une fois, c'est dans le sens des béatitudes. C'est-à-dire des gens qui ont cette humilité, cette petitesse, cette modestie qui fait que la présence de Dieu descend sur la terre à cause de ces gens-là, comme elle était descendue à cause de la présence de Moïse, qui était le plus humble de tous les hommes. D'accord. Donc c'est un autre type de justice. Oui, j'ai dit plusieurs mots en hébreu d'ailleurs pour désigner justice. Bien, une ou deux questions encore, puis on va s'arrêter là. Oui, monsieur Taubois. Par rapport à Matthieu 5 des béatitudes, cette question que j'aurais, j'ai eu l'impression simplement de lire comme ça. Est-ce que Jésus, quand il fait ce sermon-là, est-ce qu'il s'adresse à des catégories de personnes, ou c'est simplement à la même personne? Il s'adresse à la foule. Voyons la foule, Jésus, donc c'est la foule du peuple d'Israël. Et vous voyez, c'est pareil. Quand Jésus dira, par exemple, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, on aura l'occasion d'y revenir. Nous, on dit ça pour nous, on prend ça pour nous. Mais Jésus s'adressait au peuple d'Israël, parce que c'était la vocation du peuple d'Israël, d'être la lumière des nations. Vous avez ça dans Ésaïe 49 en particulier. Alors je ne dis pas qu'ensuite on ne peut pas le prendre aussi pour nous, bien sûr. Mais disons qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et se dire qu'avant que ce soit nous, c'est le peuple d'Israël qui a cette vocation-là. D'accord, merci. Dernière question, oui, le frère là-bas. J'ai bien aimé vraiment la réponse donnée, de commencer la lecture effectivement du message du Christ, parce qu'il s'adresse d'abord aux Juifs. Il s'adresse d'abord à... aux Juifs. Oui, oui, oui, bien sûr. À Israël, mais que effectivement, s'adressant aux Juifs, aux disciples, à ceux qui acceptent de le suivre, il s'adresse à ceux qui sont les descendants effectivement du message qui a été transmis. Alors, est-ce qu'il est bon de maintenir une lecture d'opposition, enfin, comme d'une opposition entre Israël et l'Église, et lorsqu'on parle des convertis? C'est une question que... Eh oui, ça, c'est malheureusement un des grands travers de l'Église depuis l'époque des pères, depuis en particulier Ignace d'Antioche, donc c'est toute la première génération des pères, au début du IIe siècle. On est un véritable chrétien dans la mesure où l'on a un certain anti-judaïsme théologique. Donc il faut absolument, comment dirais-je, minimiser la place et le rôle d'Israël pour glorifier celui de l'Église. Et moi, c'est une chose que l'on m'a reproché. Souvent, on dit, mais en insistant, comme tu le fais, sur l'importance d'Israël, tu minimises le rôle de l'Église. Pas du tout, au contraire, je le glorifie, parce que finalement, les deux sont en symbiose. Et il y a continuité de l'une à l'autre. Et par exemple, quand on voit l'apôtre Paul, et les apôtres d'une manière générale, mais spécifiquement l'apôtre Paul, Paul, pour lui, son christianisme n'était pas une rupture avec le judaïsme. C'était l'accomplissement de son judaïsme. C'était le véritable judaïsme. Et Luc, par exemple, Luc dans ses écrits, c'est-à-dire dans l'Évangile et dans les Actes, une des thèses principales qu'il défend est la suivante. C'est de dire ceci, on voit ça par exemple dans le discours d'Étienne, les véritables gardiens de la Torah, c'est nous, les judéo-chrétiens. Et le peuple d'Israël, disons, dans sa majorité, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui les juifs orthodoxes, n'ont pas véritablement gardé la Torah. Voyez-vous ? Donc on est ici aux antipodes de ce qu'on considère en général dans nos églises, à savoir que la Torah est caduque, etc. Mais Paul dira là aussi la même chose, il dit, est-ce que nous annulons la Torah par la foi, au contraire nous la confirmons, ça veut dire la justification par la foi et le Nouveau Testament en général, c'est le sens véritable de la Torah. Oui. Il n'est pas, non seulement ça n'est pas incompatible avec la Torah, mais c'est son sens véritable. Oui, oui. Et au contraire, lorsque Paul dira ceci, ils ont du zèle mais sans intelligence, ils recherchent la Torah mais ils n'en comprennent pas le sens, elle est fermée pour eux. Et par conséquent, au contraire, c'est dans le Seigneur que les choses sont ouvertes. Et enfin, dernier point, on reprend justement l'histoire de Siméon, qui dit ceci, donc, lumière pour éclairer les nations, Jésus sera la lumière pour éclairer, et gloire d'Israël son peuple. Ça veut dire que Jésus est pour les nations la révélation et la manifestation de la gloire d'Israël. Et les nations doivent avoir justement cette vision-là.